Vous êtes à l'écoute de l'émission Music Dance. Arc-en-ciel. Une radio pour moi ? Notre radio, Radio Arc-en-Ciel. Bonjour à tous, musique danse avec Nicolas sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 en couleur. Bonne écoute. Voilà, nous sommes déjà le mardi, et puis nous sommes déjà 13h30 passées. Voici donc le retour de l'émission du mardi. Et puis presque le dernier mardi du mois, oui, nous sommes déjà le 21 du mois, et voilà, donc on avance vers aussi le dernier, tout simplement, eh bien, du mois de janvier. Ça passe aussi très très vite les jours et les mois. Musique.

quelque chose qui lui dit de pas faire. Elle, jolie demoiselle, va chercher à tout prix parce qu'elle aime cet amour interdit. Mais pour lui, c'est son âge qui blesse. Elle, elle a 20 ans. Elle, elle a 20 ans, elle court toute seule et elle rêve, elle son gentleman, elle le dit tout bas du bout de ses lèvres. Elle, elle a 20 ans. Elle, elle a 20 ans, elle court toute seule et elle rêve de son gentleman, elle le dit tout bas du bout de ses lèvres. Elle, elle a 20 ans, elle court toute seule et elle rêve de son gentleman, elle le dit tout bas du bout de ses lèvres. Yeah.

comme je feuilletais les fiches recettes d'un magazine au féminin de genre indéfinissable. Vous, mesdames, vous me comprendrez, c'est notre ville à résumer entre ces pages incomparables. J'épluchais donc, je le répète, la tarte aux huîtres, la quiche au couetch, quand je tombais, quelle ironie, sur la recette de ma vie. La métaphore est admirable, car je tombais, oui je tombais, dans la panade, dans la mouise, dans la banane, dans la purée, dans la brandade. Plus tu pédales, plus ça déraille, plus t'en avales et plus t'es mal. Pour les vénards qui n'ont jamais goûté cet infâme brouet des fins de mois impitoyable. Avec vous je vais partager cette recette bon marché à la fois cachère et halal. Munissez-vous sans plus tarder d'une marmite au cul épais. Voyez que je n'ai pas menti, c'est mon profil qui est décrit. L'analogie est indéniable, j'ai le cul fait, j'ai le cul fait. Oui, tout exprès pour la panade. Dans la mouise, dans la banane, dans la purée, dans la rondane. Plus tu pédales, plus ça déraille, plus t'en avales et plus t'as mal. Dans de l'eau faite gonfler du pain, accommodez ça avec rien et vous pouvez mettre à table. Il se peut que votre intestin refoule cet étouffe païen à la limite du mangeable. C'est qu'hélas il faut en bouffer de ce plat des jours dépouillés de beurre autant que d'épinards pour l'avaler sans s'émouvoir. Le rejet est inévitable. Je suis gavée à éclater, oui, de panade. Dans la mouise, dans la banane, dans la purée, dans la brandade. Plus tu pédales, plus ça déraille, plus t'en avales et plus t'es mal. Après le piano, je vous laisse avec le disco. Tu m'écris, sur papier d'Arménie, des mots à parfumer mon lit. Je dessine, sur papier d'harmonie. Des notes à chatouiller ton ouïe. papier soie. Et le temps passe comme ça, Lili, di, di, di, di, di. Coup de couteau si mes manies, maniable à demi, tu éclaires, tu éclaires, à coup de crayon gris, mes yeux, hop, à te filmer la nuit. Passe comme ça, douceur de papier soie, et le temps passe comme ça, li li li li li li li li li li li li. Thank you.

tout simplement, oui, bien le reggae. Voici le rock et le pop rock. Je ne suis pas une menteuse, je ne suis pas une tricheuse. je veux pas plonger dans la souffrance, mais je crois que tu t'en balances. Regarde-moi dans les yeux, comprends, j'ai besoin d'un peu plus de temps. S'il te plaît, je suis plus une enfant, si ça ne te plaît pas. Je ne suis pas amoureuse, je demande à être heureuse. Les apparences sont trompeuses, je fais gaffe à ces voleuses. Sache que moi je suis sérieuse, bien mieux que toutes ces fouteuses. Je ne suis pas une menteuse, je ne suis pas une tricheuse. Amoureuse, je demande à être heureuse. Les apparences sont trompeuses, je fais gaffe à ces voleuses. Sache que moi je suis sérieuse, bien mieux que toutes ces fouteuses. Je ne suis pas une menteuse, je ne suis pas une tricheuse. Je ne suis pas amoureuse, je demande à être heureuse. Les apparences sont trompeuses, je fais gaffe à ces voleuses. Sache que moi je suis sérieuse, bien mieux que toutes ces fouteuses. Je ne suis pas une menteuse, je ne suis pas une tricheuse. Je demande à être heureuse. Je demande à être heureuse. Je demande à être heureuse. Je demande à être heureuse. Arc-en-ciel. son visage. Aucune émotion ne transparaît. Elle l'a déjà vécu malgré son jeune âge. La douleur d'un être qui disparaît. Mais elle sait qu'elle devra faire face encore une fois. Elle sait au fond d'elle que les mots ne consolent pas. Et qu'un simple regard suffira. Les gens viennent et la prennent dans leurs bras. Elle leur dit merci, mais ça ira. Mais elle sait qu'elle devra faire face encore une fois. Et elle se dit que c'est peut-être mieux comme ça que naître sans rien quand un autre s'en va. Que la vie est injuste. Arc-en-ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-ciel, c'est le bonheur, tout en couleurs. Avant d'écouter le blues, je vous laisse avec la flûte de Pan. Thank you. my baby. No, she just went to me. Yes, I lost my baby. You know she just went to me. Je laisse avec le crooner et puis après un petit tour avec le créole. Sparkling champagne. Let there be birds to sing in the trees. Someone to bless me whenever I sneeze. Let there be cuckoos, a lark and a dove. But first of all, please let there be love. Let let there be cuckoos, a lark and a dove, but first of all, please let there be love. Let there be Yeah. prier c'est sauveur, c'est celle qui chante, nous n'y a si la terre. Voici la capoue dit, madame la capoue dit, ici il fait colère, c'est vous messieurs, on joue en bas la terre. Passons à tête, il fait pas belle rien, la foule est mais en poche, mais les autres, vous y êtes barrés. Arc-en-ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-ciel, c'est le bonheur, tout en couleurs. Devenez adhérent de la radio Arc-en-ciel. Contactez le 02 38 43 48 00. Voici donc le classique, juste après chanson française avec Noémie. Je n'ai plus d'encre, l'onde d'un nouveau départ, mais les mots me manquent. Déterrer et réécrire tout ce qui respire. J'ai perdu mon dictionnaire, les mots de la vie. Face à troublant. Je ne sais plus écrire, même sur les lignes des autres, rien ne rime. Avec toi j'ai perdu des plumes et perdu ma plume. Chant de mal d'aurore, t'as tout emmené avec toi, Rimbaud, Hernani. Faudrait que je retourne à l'école de la vie. Les mots doux et les mots durs, tout est parti. Plus d'une nuit, qui a volé mon lexique à la gomme, à l'effaceur. J'aurais dû écrire au pic sur mon cœur. Je ne sais plus écrire. Depuis ton départ, moi je n'ai plus rien à dire. Du silence en plan sur plan. Je ne sais plus écrire, même sur les lignes des autres, rien ne rime. Avec toi j'ai perdu des plumes et perdu ma plume. Ton rêve t'attend, alors va de l'avant. On avait ce qui s'est.

all along. He never works a mess around. He's my driver, I'm always wrong. He's my daughter's fine, but I don't like. Pas un mot, pas une larme qui devrait me faire sourire. Avant de réécouter les chansons, tout simplement avant d'écouter le country, le disco, puis d'autres chansons différentes, ben, je vous laisse avec les émissions pour ce soir ainsi que pour demain et jeudi. Donc à partir de 19h jusqu'à 20h, une heure, vous allez retrouver Christophe et puis vous allez retrouver juste après un autre Christophe entre 21h jusqu'à 23h. Et puis c'est pour demain, mercredi, entre 9h jusqu'à midi avec Victor et puis juste après l'après-midi à partir de 14h jusqu'à 15h avec 16h pardon, jusqu'à 16h avec Gloria. Et puis pour la soirée, à partir de 18h, 19h30 avec Violette. Et puis pour le jeudi matin, à partir de 9h midi avec Hermine Giraud. Et puis dans la soirée, entre 18h, 20h avec Chantal. Voilà, donc bien, je vous laisse avec le country. J'aime le country, c'est ma musique préférée. Elle chante l'amour, la joie, la nature. Et si parfois elle chante aussi la peine, elle m'aide à rire, à vivre et à rêver. Quoi de plus beau qu'une basse romantique, quand la guitare est douce et langoureuse. J'aime ses paroles entraînantes et joyeuses, rien ne remplace cette belle musique. Je n'ai besoin que d'amour de ciel bleu, country, c'est ma musique préférée. Elle chante l'amour, la joie et la nature. Et si parfois elle chante aussi la peine, elle m'aide à rire, à vivre et à rêver. Elle chante l'amour, la joie et la nature. Et si parfois elle chante aussi la peine, elle m'aide à rire, à vivre et à rêver. Et si parfois elle chante aussi la peine, j'aime le country, c'est ma musique préférée. Forget you, for I thought then I never would. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-ciel, c'est le bonheur, tout en couleurs. Solo con mi pena hasta la muerte, hasta la devoción. Soledad, mi amor. Soledad sin tu calor. Soledad. Soledad, soledad, soledad, soledad. Soledad, mi amor. Soledad sin tu calor. Mi soledad, solo con mi pena, como un bousculer, tu pourras t'en aller. Tu pourras te cacher, tu pourras tout changer, tu pourras tout casser. Tu pourras te lever, tu pourras exiger, tu pourras même forcer. Tu pourras faire pleurer, tu pourras renier, tu pourras rabaisser. Mais tu pourras aimer chaque jour. À ton tour, mais tu pourrais choisir d'être court, d'idées de manque, de bravoure. Mais tu pourrais prendre un peu de temps, le temps de voir grandir tes enfants. Mais tu pourrais même aimer la vie, même si tu as trop peur de l'ennui. Tu pourrais abuser, tu pourrais accuser. Tu pourras attaquer, tu pourras masser, tu pourras même brimer. Tu pourras enfermer, tu pourras infliger, tu pourras même bafouer. Tu pourras tutoyer, tu pourras trafiquer, tu pourras te vautrer. Mais tu pourras aimer chaque jour, tu pourras prendre ta place à ton tour. Mais tu pourras choisir d'être à court. Bousculer, tu pourras t'en aller. Mais tu pourras aimer chaque jour, tu pourras prendre ta place à ton tour. Mais tu pourras choisir d'être à court, d'idées, de manque, de bravoure. Mais tu pourras prendre un peu de temps, le temps de voir grandir tes enfants. Voici donc le pop et puis juste après les crooners. Toi mon ami, mon frère, mon vieux camarade, trop d'années ont passé, je me souviens pourtant. Comme si c'était hier de toutes ces escapades, rappelle-toi nos idées, on marchait face au vent. Heures insouciantes de fêtes et d'euphorie, on en a eu de belles, 400 coups éprouvés. Je sais la vie cinglante, elle condamne à l'oubli. Ce soir je fais appel, je viens nous retrouver. Je reviens te chercher, je t'apporte un peu d'air pour refaire le monde. Je reviens te chercher. Rappelle-toi aussi ces instants gaspillés lors de disputes obscures par excès de zèle. Ces œillères alibis qui fardent nos regrets. Et cette fille bien sûr, mais comment s'appelait-elle? Combien de repentir, de manque de courage, de rancune égoïste, de projets échoués. On a laissé pourrir, enfermés dans leur cage, j'ai déchiré la liste, l'ardoise est effacée. Je reviens te chercher, je t'offre un peu de temps, viens chanter sous la lune. Je reviens te chercher, des rêves exaltants, allons trouver ta brune. Je reviens te chercher, je t'apporte un peu. Je retrouve aujourd'hui ce qui me faisait vivre. Et courir et jouer, la clé de ma jeunesse. C'est bien toi mon ami qui ce soir me délivre. Je reviens te chercher, je t'ouvre un peu ma vie devant de bonnes mousses. Je reviens te chercher, partons sans préavis. Je My reputation's known in Venice and Paris. My reputation's grown. They say I'm a Don Juan, enjoying my flirtations. Of course, they don't believe me when I say it's all in fun. They whisper the lover when I walk down the street and wonder what lady I'm on my way to meet. The one thing they don't know, the reason I'm out strolling, I want to buy the papers and then I'll just go on home. Lovely ladies have their dreams. Lovely ladies and their schemes. So I just can't disillusion. illusion. All the girls that think that I am on a cupid's wing, although they insist I'm the king of Romeos. And I keep denying what everybody knows. I'm slightly romantic, you see I'm only human. For at this very moment now the lover is in love. So I just can't disillusion all the girls that think that I am on a cupid's wing. Although they insist I'm the king of Romeos, and I keep denying what everybody knows. I'm slightly romantic, you see I'm only human. For at this very moment now the lover is in love. Oh, play me some mountain music like Grandma and Grandpa used to play. Then I'll float on down the river to a Cajun hideaway. Play some back home, come on music that comes from the heart. Play something with lots of feeling, 'cause that's where music has to start. Oh, play me some mountain like Grandma and Grandpa used to play. Then I'll float on down the river to a Cajun hideaway. Arc-en-ciel. Voici du rock et du rock'n'roll juste après. Everywhere. fils, mon marmot, s'il te plaît, t'éloigne pas trop. Près sur le chemin de mon cœur. Habille-toi, ma race, n'en dis pas, reste là. Reste là, avec moi, sois petit pour la vie. Reste enfant tout le temps, le monde des adultes est cruel et méchant, et ce depuis longtemps. Ne joue pas à leur jeu, reste bien sorti du rang. T'as pas encore 4 ans, mais déjà tu comprends. Il y a des méchants et des barbares sanglants. Voudront ta peau, Minot, elle joue avec ton seau. Ne les calcule même pas, viens et pars avec moi. Python s'arrache de là, comme Renaud et Lola. De mon amour, et c'est sûr pour toujours. Je te protège de mes bras, les méchants ne t'auront pas. Se tue tout le temps, t'en connais, tu as sûrement. Reste bien éloigné et cache-toi derrière moi. Et laissons-les crever, s'entretuer à jamais. Tuer la planète, sans pourrir l'atmosphère. Marre de cette galère, ils sont gris et austères. Cadeau empoisonné, une planète gangrénée de racisme et de haine. Reste là, fils, je t'aime. Toi, mon fils, mon marmot, s'il te plaît, t'éloigne pas trop. Sur le chemin de mon cœur. Ma vie, toi, ma race, n'en dis pas, reste là. Reste là, avec moi, sois petit pour la vie. We'll be right back. Arc-en-ciel. Après le funk, voici, je vous laisse avec le reggae et puis la soul.

Arc-en-ciel. Bonjour à tous, musique danse avec Nicolas sur Radio Arc-en-ciel 96.2 en couleur. Bonne écoute! Folklore et du rock juste après. C'est un imparfait aux allures de parfait, mais tu sais, moi je crois que je suis même pas amoureux. Elle m'a dit chante pas mon prénom, de façon je sais pas chanter les filles, parce qu'il faut voir comment ça finit quand tu t'appelles Irvine. Et puis je chanterai jamais son nom parce que ça sonne comme l'Armageddon, parce que moi quand j'y pense c'est comme si tout explosait, c'est comme un coup de poignard parce que son nom c'est ma seule putain de vérité. Elle est canon comme une plaque d'égout tout de neuf, ouais mais crade comme un caniveau de Saint-Anne. C'est un punching ball plein de grâce, ouais, c'est un punching ball plein de grâce, ouais. Genre de mélancolie dont tu ne te remets pas. Quand elle me murmure tout bas, moi je t'aime pas, mais je pourrais crever pour toi. Je pourrais rien qu'à la regarder, rien qu'à écouter ce qu'elle ne dit pas, rien qu'à cogner les murs, c'est sûr. Ah ouais, c'est sûr qu'un jour ma belle, ça tournera sanglant. Puis c'est sûr que c'est pas elle qui me fera arrêter de boire. Ouais, c'est sûr que c'est elle qui m'a jeté au comptoir. La pocket est partie, comme on ne s'attend à rien. La pin-up est partie, comme on attend. Yeah. Elle a décidé de changer de vie, de faire aux hommes un peu de place. Elle est partie faire un voyage, tout un été, de ville en ville, de bar en bar, de plage en plage, jusqu'à l'étincelle qui scintille. Elle voudrait bien être amoureuse, ne plus jamais se sentir seule, prendre la route de Madison, qu'un jour pour elle le bonheur sonne. Faut faudrait toujours être amoureuse. Elle a lu ça chez Oscar Wilde pour faire des choses qui lui font peur. Elle aimerait bien un jour lire Sade. En attendant, elle sait dire non, même quand elle voudrait bien dire oui. Elle joue de ses contradictions pour mieux contrôler l'ennemi. Elle voudrait bien être amoureuse, ne plus jamais se sentir seule, prendre la route de Madison, qu'un jour pour elle le bonheur sonne. Dans mes nuits, je n'ai rien vu que son sourire, ses yeux de papillon de nuit, son envie d'aimer, son désir. Cette fois-ci, elle disait bien oui, mais son cœur lui chuchotait non. Le prince charmant de ses phobies est resté en bas du donjon. Elle voudrait bien être amoureuse, ne plus jamais se sentir seule. Prendre la route de Madison, qu'un jour pour elle le bonheur sonne. Elle voudrait bien être amoureuse, ne plus jamais se sentir seule. Prendre la route de Madison, qu'un jour pour elle le bonheur sonne. Sinon, t'as un autre pop rock. I woke up feeling the sunshine drift across my face. It took me back to emotions from another time and place. Those yesterdays, cruising in my Chevrolet. Was all right. So days,

16h48, voilà, l'émission touche à sa fin. Voilà, on a terminé cette émission avec déjà ta chanson, tout simplement avec Baltimora. Puis on se retrouve donc eh bien vendredi à partir de 13h30 jusqu'à 17h et ainsi dimanche, tout simplement pour l'émission de l'accordéon. Voilà donc, eh bien, je vous dis bonsoir à tous, à toutes. Away from nowhere, on my own, like dad's and boy. Hide and seek, I play alone, where I shoot across the forest, monkey business on a sunny afternoon. Jungle life, I'm living in the open. Maybe think that there is all burning bright. I find a blood soon up to the sky. I see a wonder. There's a message back to you.

Não sou daqui, é João Só, no melhor de Portugal. Estamos a 4 minutos das 4 da tarde. Nuno Rodrigues atualiza as notícias às 4. Regresso logo depois para o melhor de Portugal, a terceira.